le trouve. Mets 2 kills de schnouf dans ta petite couche. Connasse, je ressors un scudi de ouf. Pendant que des grosses stars me tirent le swoop. Poser aucun drôle, un custy debout. Je fumerai pas sur ton cushy chelou. T'as les mêmes godasses que Costi le clown. Fiston, n'écoute pas ce que dit le genou. Défoncé comme Kurt Cobain, je baisse des top modèles. Ou bien des majorettes toute la nuit à l'hôtel. Ça sentira le pollen, filtre à la marocaine. J'égorge un pack au cher, je ne veux pas de problème. C'est vrai que je suis malhonnête, je reconnais pas vos têtes. Sous la lampe halogène, je mouille le maillot mec. J'envoie des hadoken ainsi que la mayonnaise. La chatte à Marjolaine et la nuit ça faut d'être. Et moi le boss final, l'ultime roi de la nuit. Pute cyprine qui sort cette pute qui boit de la lime. Survivant de l'enfer, comme tu le peux voir, je navigue dans les eaux troubles avec les pirates. Le navire dans mes épinards, il me faut du beurre. On nique la juge et puis le procureur. Je suis l'artiste, je suis le producteur. Suce-moi vite mon organe reproducteur. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. Mec, tu n'es pas d'attaque, tu es pathétique. On n'écoute pas tes tracks, tu n'as pas d'éthique. Je te laisse pas ta traque, maintenant lèche-moi la trique. On te suit à la trace, mec, tu es à la masse face au trapézie. Suce ma bite comme Pascal OP. Mon shit c'est de la pâte à modeler. Mon fric n'essaie pas de carotter. Où toute ton équipe va galoper. A-L-K-P-O-T-E dans le boulevard. Tu vois bien que c'est le diable qui ouvre le bal. On te découpe en deux et on te shoot le crâne. Si je me déplaçais seulement pour le cash. Quand le vent soufflera, je serai déjà loin. J'allume un méga joint. Gros, ma viande est à point. Je dois couper le produit et tout conditionner. C'est aujourd'hui que mes zombies vont missionner. Tous ces putains de rappeurs sont pistonnés. Je vais confisquer leurs disques d'or sans rigoler. Un horrible obsédé. Je ne suis qu'un horrible obsédé. J'ai commis trop de péchés. Hélas, j'ai commis trop de péchés. La police m'observer, j'ai vu la police m'observer. Je suis lobotomisé, je les ai trop sodomisés. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. Mec, tu n'es pas d'attaque, tu es pathétique. On n'écoute pas tes tracks, tu n'as pas d'éthique. Je te laisse pas ta traque, maintenant laisse-moi la trique. On te suit à la trace, mec, tu es à la masse face au trapézie. J'arrive dans cette pute en roue arrière. De toute manière, j'aurai une courte carrière. Je bois de la cyprine qui a le goût de la bière. Ma ration journalière de drogue a diminué. Je m'enfuis de cette souricière de merde avant de finir. Tu espèces des sorcières de toutes les couleurs. Des chats, des anus en chou-fleur. J'enregistre au studio bunker. L'empereur vient faire le découpeur. Je m'en fous de ce constitue pour te détruire, j'y contribue. J'éclate que ton petit cul et je le reconstitue. Alcabez d'ampli, MC, t'as la dysenterie. T'écris des rimes à 10 centimes. J'passe mes mains dans ta mise en pli. J'te déshabille, j'suis très habile. Pas le temps de rouler des mécaniques. Violent, pervers et sadique. Un peu gothique et métallique. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. C'est nous les rois de la trappe. C'est nous les rois de la trappe, les trapézies. Mec, tu n'es pas d'attaque, tu es pathétique. On n'écoute pas tes tracks, tu n'as pas d'éthique. Je te laisse pas ta traque, maintenant lèche-moi la trique. On te suit à la trace, mec, tu es à la masse face au trapéziste. La crème, le nectar.